Jeune Bear, TNF. Quelle école peut faire le poids face à l'école de la débrouille? Même quand c'était pas prévu, on se comportera comme des pros. J'ai jamais su aimer perdre, de toute façon j'suis pas né pour. J'crois bien que j'ai fait les bons choix, même si j'ai fait suer mon père. À la base, on était cassos, regarde ma tête de bourgeoise. Plus la même sur votre caca 6, ouais, ça joue aux cartes avec la faucheuse. À 3 sur un scooter, le 4ème est sur un skate. Rien ne pourra nous stopper à part une bastos, on raconte pas de disquette. J'aime pas l'obsolète, j'ai cravaché dur et j'te l'air qu'une seule aide. Celle des miens, les autres mises à mon système sonore. La vie une chop, j'ai mis sur on les deux airbags, mais jamais j'accroche la ceinture. Moi j'suis qu'une tête brûlée dans une flaque d'essence. Une foutue bactérie dans une trace de sang. J'suis la foudre et le tonnerre, l'amour et la colère. J'suis l'anomalie d'un moteur qui bombarde à 200 BE. Flamme qui sort de la moto, noir comme Yuji Yamamoto. Noir comme un couteau dans le dos, noir comme la couleur de ma galaxie. Rien à péter de finir dans le top, noir jusqu'au dernier album. Flamme qui sort de la moto, noir comme la couleur de ma galaxie. J'arrête le shit, j'arrête le truc que maman appelle chichon. J'suis redevenu plus réfléchi, ouais. Celui que je préfère être. Ma voix résonne dans la ville au travers des fenêtres. Odeur de charbon dans la pièce mais j'y vois aucune chicha. Refrain chanté mais je reste un gros kicker. Moi j'aime le rap quand il est crade et quand tu pètes ton crâne. Mon stylo pique à l'effet marteau piqueur. Un jour un prof m'a dit que j'allais devenir policier. Depuis ce jour là j'ai compris que j'allais plus revenir au lycée. Jurais la vie de vos mères qui savaient pas comme tous les keufs me donnent envie de vomir. On te l'a déjà dit, c'est nous les hommes. Mentalité roubaisienne, rare qu'on reste cool les zen. J'rappe pour les beaux lieux, les banlieues. Mais t'as gâché, écoute BE dans des soirées tropéziennes. Flamme qui sort de la moto, noir comme Yuji Yamamoto. Noir comme un couteau dans le dos, noir comme la couleur de ma galaxie. Rien à péter de finir dans le top, noir jusqu'au dernier album. Flamme qui sort de la moto, noir comme la couleur de ma galaxie.